sûr, pourquoi pas. Une grande course de... Quoi, de pit... Du pitbull autour du foyer, machin, de Nanterre. Ça va qu'autre. T'as besoin de le dire, mais ça, non existe, mais ça existe. Mais non, mais je croyais que ça n'existait pas. Mais je croyais que ça n'existait pas. Arrête, Gérard, je croyais que ça n'existait pas. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je t'ai dit, Serge, tu vas pas me casser les couilles, toi. Ah, excuse-moi. Et la vie de mon lacrymo. Non, non, c'est pas de la bombe. C'est quoi? C'est du parfum Bic. T'inquiète pas, Serge, tu y as le droit. D'accord.